ça va ? Tout le monde comme ça, tout le monde comme ça, tout le monde comme ça. Thank you. Just.